Et je fais couler un petit café, un petit salvé, c'est pas gaffé, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salvé, c'est pas gaffé, ça fait du bien un petit café. Un petit café, dès le matin, ça fait du bien. L'odeur du grain, dès le matin, trop bien. Un petit café, déjeuner pour me réveiller de cette matinée, et je somnole, somnole. Et je fais couler un petit café, un petit salvé, c'est pas gaffé, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salvé, c'est pas gaffé, ça fait du bien un petit café. Un petit café, la soirée pour me digérer de cette longue journée, et je m'endors, m'endors. Et je fais couler un petit café sur le balcon ou dans le salon avec des cons, et qu'on rigole. On a passé une très bonne soirée, donc si on la finissait au café, tu me suis? Assieds-toi, je t'en prie. Serveur, deux cafés s'il vous plaît. Je te le paye, y a pas de problème. Je te jure, des soirées comme ça là, c'est juste merveilleux. Tu vois, Paris la nuit, avec toutes ces lumières, franchement, ça me laisse rêver. J'ai toujours ce rituel pour finir une bonne soirée, c'est de boire un bon petit café avec une bonne petite clope. Je te le jure. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas café, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas café, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas café, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas gaffé, ça fait du bien un petit café. Un autre café, un seul voyou, un pour la route, juste une goutte, un petit dernier, s'il te plaît. Prends le sucrier, puis fais touiller, qu'on rigole, et qu'on rigole, et qu'on rigole, rigole. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas café, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas café, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas café, ça fait du bien un petit café. Et je fais couler un petit café, un petit salfé, c'est pas gaffé, ça fait du bien un petit café. Une petite clope.